plus c'est quoi cette histoire. Ah, bord, l'île d'eau en l'air. Oui. Monsieur Bababa, vous faites de la contrebasse, si je comprends bien, c'est ça? Alors là, gros respect, parce que moi je fais de la basse. Ouais, moi je fais de la basse aussi. Et j'ai une fretless, mais je suis une vraie brêle en fretless. Et honnêtement, elle reste dans la housse assez souvent. C'est rare que la sorte. Que c'est dur. Hein. C'est génial, on la contrôle super bon. Bridge take. Bass, mothering, sing. En sous. Fin de la rue, Jazz. Bass, ah, ça, c'est bon ça. Marc Bass. J'aime bien ces amplis Marc Bass. Là. J'ai joué une fois dessus. À un concert, on m'avait prêté. Bassiste m'avait dit, tiens, joue dessus, tu vois. C'était un son. Putain, un super son, quoi. Puis c'est pas. Ils font des petits amplis compacts. Super puissants, super, très jolis. Et les morceaux, c'est des compos ? Ou c'est des reprises ? Parce que j'y connais rien. Tu vois, moi j'ai essayé d'aller sur OHM, mais je suis tellement nul, j'y comprends rien. J'ai installé et tout, mais. C'est Andy qui m'a expliqué, mais comme il m'expliquait en anglais, en français ça aurait été plus facile. T'as essayé toi, Phil, ce truc là, OHM? C'est bien le concept, mais je comprends rien. Mais en fait, tu m'arrêtes si je me trompe. Tu peux faire des compos, mais à plusieurs sur un site, mais des trucs de qualité, quoi. Tu peux faire partie d'un projet, tu mets tes pistes. Enfin, c'est. J'explique mal, hein. Tu peux choisir un projet ou même créer un projet, et puis il y a des musiciens qui viennent jouer sur ton projet. Enfin, c'est un projet en commun, quoi. Sauf que moi, j'ai rien compris. Bah oui, forcément, c'est plus facile quand on s'y connaît. Pourtant, il a été patient, Andy, avec moi, je te jure. Il voulait faire un truc un peu dense, tu sais, avec la voix. Mais j'ai pas eu la patience, honnêtement. Tu vois, il est encore sur l'ordinateur. Moi, pour que je comprenne ce truc, il faudrait qu'il y en ait un qui m'appelle, soit qui me dit au téléphone. Voilà, faut faire ça, ça et ça. T'as vu, Phil, quand je te demande des trucs, des fois, j'arrête pas de te faire répéter. Ah oui? Ouais, il voulait qu'on fasse un morceau ensemble, moi j'aime bien. Putain, il avait pris ma voix, il m'avait trafiqué ma voix. Il a enregistré en temps réel ce que je faisais sur Ninja. Et il le ressemblait, il était bon. Thank you. France aussi. Putain, c'est 1h10. J'entends la basse. C'est une basse? C'est pas une contrebasse là? Si.